qui attend le moment fixé par Dieu pour rentrer dans son tombeau. « Apprêtez-vous, Maximilien, » lui dit-il avec un sourire. « Nous quittons Paris demain. »« N'avez-vous plus rien à y faire ?» demanda Morrel. « Non, » répondit Monte Cristo. « Et Dieu veuille que je n'y ai pas trop fait. » Fin du chapitre 111.